Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen, cours numéro 15. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد اليوم ندخل مباشرة في الدرس الخامس عشر directement dans le cours 15 و ce texte ou ce cours se rapporte à la الناهية la lettre d'interdiction. Après qu'on n'ait plus dans le vers précédent l'ordre, comment prendre un ordre, qui est le fait de contraindre une personne à faire une chose ou qu'elle continue ce sur quoi elle est, cette fois-ci, ça va être quoi? Comment dire à une personne de délaisser une chose? Ça y est, une interdiction, comme on dit. Et ça, ça a un lien avec quoi? Avec le jazm, qui est la quatrième catégorie dans l'i'rab. On a déjà parlé du raf, comme le mutada ou le khabar. On a déjà parlé du nasr, du nasb, comme par exemple le tamiz, maful bihi, ou zarf. On a déjà parlé du jar, comme ce qui a été précédé par un harf jar, ou le mudaf ilayhi. Et aujourd'hui, ça va être ce qui concerne, comme je dis, le jazm. Vous voyez, le jazm qui est propre au verbe. Vous voyez, on ne trouve le jazm que dans les verbes. Il n'y a pas de jazm dans les asma. Tu n'as pas de ism majzoum. Tu n'as que des afail majzoum. Et là, c'est l'une des... L'une des choses qui concerne le jazm, à savoir que le jazm a plusieurs particules, comme ils disent les huruf, et le la qu'on va prendre aujourd'hui, l'al nahiya, en fait partie. Naam. Donc on va lire le texte, le nas. Sakaramekan al-Mudarris, wa antas takaramekan Abi Bakr, wa humayoun, wa kullu man lisa bil Mudarris. Puis le Mudarris, tu lis tous les autres, inshallah. طيب يقول أين تذهب يا أبا بكر؟ Où vas-tu, ô Abu Bakr؟ أذهب إلى المدير. Dis, je me rends au directeur, chez le directeur. مدرس. لا تخرج من الفصل الآن. اذهب إليه بعد الدرس. Donc il dit, ne sors pas de la classe maintenant. Et là, comme tu vois, il dit, لا تخرج. Ne sors pas. Là, c'est une interdiction. اذهب إليه بعد الدرس. Tu t'y rendras après le cours. يا أستاذ أنا طالب جديد. أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك. Donc Humayun, il dit au professeur, je suis un nouvel élève. Où est-ce que je m'assois? Est-ce que je m'assois ici devant toi? Donc Mudarris il dit là, لا تجلس هنا. هنا مقعد هشام وهو غائب اليوم. اجلس هناك خلف حامد. Donc il dit non, ne t'assois pas ici. C'est la place de Hichem, Makrod, là Makrod c'est siège ou place. C'est-à-dire, on a la deuxième, c'était Hada. Ceci est la place de Hichem. Et il est absent aujourd'hui. Assieds-toi là-bas, derrière Hamid. Il dit donc, est-ce que je prends ces cahiers au oustaz? Dans le sécoul, la ta'khuzha. Yanzur le daftar, ayy mudarris. Ya Abdurrahman, la taktubil ajwibata bil kalam al ahmar. Al mudarris ou la yaktub bil kalam al ahmar. Donc le mudarris dit, non, ne les prends pas. Ensuite, il regarde dans le daftar et il dit, oh Abdurrahman, n'écris pas les réponses au stylo rouge. C'est le professeur qui doit écrire au stylo rouge. Ou qui écrit au stylo rouge. انظر الى هذه المجله يا استاذ ما اجملها il dit regarde ce magazine oustaz qu'est-ce qu'il est beau la ajmala c'est comme ta'ajjub on est pris avant طيب ما اكثر النجوم ما اكبر هذا الرجل ainsi de suite donc là c'est ma ajmala c'est ta'ajjub طيب exclamation dans les écoles la takr al mujallat fi al fasl ya faisal il dit ne lis pas les magazines en classe au faisal. ما اقرا هذه المجال الان انما انظر انظروا الى الصور التي فيها. نعم. Donc ça veut dire je ne lis pas ce magazine maintenant. Juste je regarde dans les images qui s'y trouvent. Quand on dit innama, c'est pour dire seulement, juste. Vous voyez, juste ceci ou juste cela, je fais juste que cela. Hein? نعم لحمزة كذلك. أفتح الباب يا أستاذ يكد الجراس يرن يرن يرن. Il dit est-ce que j'ouvre la porte au professeur car la sonnerie sur le point de retentir. Et là يكادو ça va venir c'est كذا يكادو من أفعال المقربة c'est ça aussi un lien avec le cours qui viendra inchallah. Là ça veut dire être sur le point de. Vous voyez. Ça peut dire aussi faillir. Vous voyez, faillir. Et là, le sens voulu, c'est être sur le point de. Non, mais le modèle, c'est cool. Là, la taftah il bab el en. Il dit non, n'ouvre pas la porte maintenant. Voyez. Parce que maintenant, ça a été court. Non. Donc, les tamarines. T'en as juste un pour parmi les questions habituelles. Sahih Mayali, corrige ce qui suit. T'as maintenant, comme je l'ai dit, là on va rentrer dans quoi? Dans la nahiya. La nahiya. Qui est harf nahi. Harf jazm. Cette particule parmi la catégorie du jazm. Qui se rapporte au verbe la al-nahiya. Vous voyez, la al-nahiya. Et c'est harf jazm. On a harf al-nazm, comme inna. Vous voyez, il n'y a pas harf al-raf, ça n'existe pas. Il y a harf al-jar. Vous voyez, ça c'est harf jazm. Et comme on a dit, le jazm, on ne le trouve que dans les af'al, que avec les verbes. Donc comment c'est? Ça c'est pour le contraire d'un ordre. L'ordre c'est fais quelque chose. Et bien là, le nahi, l'interdiction c'est ne fais pas cette chose. Par exemple, toi, t'es en train d'écrire. Moi je te dis la taktoub. La taktoub. Et je mets une soukoum. N'écris pas. Vous voyez? Une interdiction. Maintenant, ce lève, là, c'est celui-ci. Vous voyez, harf nahiya. La nahiya, harf jazm. On avait écrit, dans le dernier cours, on a pris quoi? Ou l'avant-dernier cours, on a pris quoi? Que le fi'l, il peut être marfou. Donc tu dis, huwa yaktubu. Vous voyez, là, cette demande, on a dit, c'était quoi? Alamat raf. C'est-à-dire que le fi'l est marfou. Et l'origine dans le fi'l, c'est qu'il est marfou tant qu'il n'a pas été possédé par une chose qui change ce raf. L'origine, c'est qu'il est marfou. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a harf jazm qui est rentré. Donc maintenant, ce raf, il va tomber. Il va devenir quoi? Jazm. Et alamat jazm, c'est la soukoun. Le signe d'origine du jazm, c'est la soukoun dans le verbe. Il y a d'autres choses, comme je dis, ils ont tous des branches, des exceptions. L'origine chez le jazm, c'est la soukoun. Donc là, si tu vois un fi'l avec un la, et après le fil, il a un soukoun, c'est le nahiya. C'est-à-dire là, le fil est majzoum. Vous voyez? Parce que maintenant, si je te dis, regarde, Mohamed, là, yaktubu ad-dars. Là, le là, c'est pas celui-ci. Là, c'est nafiya. C'est négation, c'est pas l'interdiction, tu vois. Donc là, le fil, il reste dans le fond. On va faire attention entre la la al-nafiya ou la al-nahiya. Comment tu différencies entre les deux? Par la harakat à la fin du verbe. C'est ça le nahou. C'est ce truc-là qui va te dire quelle est cette lettre ou cette particule et quel est le sens de la phrase. Après, toi, de toi-même, ça va être un déclic. Quand tu as une phrase, tu vas comprendre que c'est une nahi ou que c'est un nafi. Ça va devenir instinctif, inshallah. Donc là, il dit quoi? Comme je t'ai dit, le fi'l est le majzoum ou alamat jazmi, son signe de son jazm, c'est sukun. Vous voyez, la taktoub, la tajlis, la tadhab, la tafal, la tushrik billah. ainsi de suite. La tu khalif amr rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces choses-là. Et dans le Coran, on a beaucoup de l'alnahiya. Wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a. Là, attention, la touche des coups, c'est waouh, jama'a. C'est pas. Là, tu vas venir, ça, il va t'expliquer. Et là, le fil, le majzoum, on va enlever le noun, qu'on a pris dans le ders, qu'on a dit le noun, le dhabouna, c'est le raf. Et bien là, comme le majzoum, le noun, on enlève. La touche des coups, c'est une interdiction. Non, ça va venir d'ailleurs dans le texte, ils vont montrer les verbes qui ont ce noun là, qui, quand ils sont majzoum, comment on fait. Là, maintenant, il dit. Iqra ma yali. Il va tout simplement te mettre ce qu'on vient d'expliquer à l'instant. Tadhabu, c'est tu vas. Vous voyez ? La tadhabu le marfoua. Il y a une damma à la fin. On dit la tadhab. Ne va pas. Ou ne part pas. Donc là, il est majzoum. Par la. Et là, c'est une interdiction. Nahi, comme on dit. Masalen, taktubu. Tu écris. Là, le verbe. Le fiel les marfois, avec une damma. Ce moment, on a cool. La taktoub. N'écris pas. Et là, il y a une soukoun à la fin. Majzoum. Tashurabu. Tu bois. La tashurab. Taïeb. Là, il est majzoum. Et une soukoun à la fin. Donc, c'est une interdiction. Ne bois pas. Ainsi de suite. Là, il va te citer des exemples. Il dit Ya Moussa. Anta marid. Fala takhruj. Min el bayti. Wala tazhab. Il est madrasa. Wala talab. Fi sharia. Donc, il dit Oh Moussa. Tu es malade, alors ne sors pas de la maison. La tahrouj. Ou la tazab il madrasa et ne va pas à l'école. Moussa va être content. Ou la talab fi sharia et ne joue pas dans la rue. Là il va être moins content. Ou la talab fi sharia. Donc là tu regardes bien les trois verbes. La tahrouj, ou la tazab, ou la talab. Les trois ils sont majzouma à cause du lait qui est devant. Thanien, la tajlis. Et tariq. Ne t'assois pas dans le chemin. Thalithan. Iftah al-nafidata ou la taftah al-bab. Ouvre la fenêtre, mais n'ouvre pas la porte. La tadhak fil fasl. Ne rigole pas en classe. La ta'koul fil sharia. Ne mange pas dans la rue. La takzib. Ne mens pas. La tahlik lihyatek. Masha'Allah. Ne rase pas ta barbe. Est-ce que c'est appliqué à Jamia Islamia ça? Non. Ah si, il y en a des rasés, t'en as plein. On a plein des rasés à Jamia Islamia. Même les chez les professeurs, t'en as plein des rasés. Nam, la tahrik l'ahyatek ne rase pas ta barbe. Thaminan, la tas'alni hada su'al. Ne me pose pas cette question. Tasian, la tadrib zamilek. Ne frappe pas ton camarade. Ashiran, quand Ibrahim alayhi salam yabihi, Ibrahim a dit à son père, c'est dans Sourate Maryam, Ya bati la ta'boudi shaytan, oh mon cher père, n'adore pas shaytan. Taïeb, donc regarde bien, il dit La ta'boudi shaytan. Quand on fait la liaison, c'est la même règle. Quand un lifolem qui vient derrière, net qui n'a pas de harakat, on met une kasra. Donc tu dis La ta'boudi shaytan, mais là à l'origine c'est la ta'boud à shaytan avec une soukoun. Kamajer et Sourate Maryam, comme cela était dans Sourate de Maryam. Donc ça, les saints dit, Atril, la, el nahiya, al afal atiati wadbut awakhiraha. Donc il veut que tu rentres l'el nahiya dans les vers suivants et que tu mettes, t'écrives la harakat qui convienne. D'ailleurs, le fil awaret, tatrulu, tu rentres. Comment tu vas dire? La tatrul. Non. Tasmaru, tu écoutes, ou tu entends plutôt. La tasmaru. La tasmaru. Tanzilu, tu descends. La tanzil. Non. Taktoulou, tu tues. La taktoul. Takhouz, tu prends. La takhouz. Nam. Takta, tu coupes. La takta. Tarkob, tu montes ou tu embarques. La tarkob. Tarfa, c'est tu montes ou tu élèves. La tarfa. Nam. Maintenant, il va te mettre ce que je t'ai dit. Qu'on avait pris quoi? Parmi les signes de. Du Rof, dans le fiyah, on avait dit qu'il y avait la Dhamma. Tadhabu, taktubu, tajlisu, tarsilu, takra'u, ainsi de suite. Et on avait dit que lorsqu'on mettait waw al-jama'a, ou yal-munas mukhataba, il y avait un nun qui vient derrière. تذهبون يذهبون يجلسون تجلسون أو تجلسين. طيب تخبل on a dit que c'est quoi ce nun? C'était le Aramatarof. Ces verbes-là, Faïda, ces verbes-là, qui sont Yadhabouna, Tadhabouna, Tadhabina, et les deux Moussana qu'on n'a pas encore pris, qui sont Yadhabani, tous les deux, Watadhabani, vous allez tous les deux, on les appelle El-Afael, El-Khamsa. طيب والأمثلة الخمسة لون أخر طيب الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة et ces cinq formes de verbes conjugués leur signe de raf c'est le nun à la fin ثبوت النون comme on dit on a mis un nun à la fin et ben dès qu'il vient plus quand il vient majzoum عتجاز c'est حذف النون c'est qu'on enlève ce nun le nun il saute comme l'a été le par exemple dans les exemples il dit par exemple يا أحمد لا تذهب. Donc là, c'est quoi le fait أنت. Damir nous sortir أنت. مخاطب. Donc le fait là, ça a un mot de jazm, c'est la soukoun. Maintenant, on parle à plusieurs personnes. On va dire يا إخوان لا تذهبوا. Normalement, on dit تذهبونا. Mais là, comme les majzoum, on a enlevé le nun. Donc on dit تذهبوا. Et maintenant, on va dire comment c'est qu'il est majzoum. Je veux dire, il n'y a plus de nun. Donc, tu sais que c'est pas mal voir. Donc, tu regardes bien ce qu'il y a devant, t'as un là. Donc, ça veut dire quoi? Il va être majzoum. Parce que t'as d'autres choses qui vont venir plus tard, où le fir, les afa, les khamsa, ceux-là, là aussi, on enlève le nun. Il n'y a pas que dans le jazm. Dans le nasm aussi. Quand on va prendre le nasm, dans le fir, tu vois que le fir, celui-ci, quand il est mansoub, le signe de son nasm, c'est qu'on enlève le nun pareil. Mais, t'arrives à différencier avec ce qui a causé le nasm, ou ce qui a causé le jazm. Là, par exemple, le lait qui est devant, on sait que c'est. Jazz, c'est pas un ensemble. Donc on va dire les majzoum. Pareillement, tu dis par exemple, Ya Mariamu, la tadhabi. À la base, c'est quand on dit tadhabina, tu vas. Mais là, quand on fait le nahi, la tadhabi, et on enlève le nun. Vous voyez, on enlève le nun. Par contre, quand c'est le mukhatab, al-jam mu'annath, pour des femmes, il n'y a rien qui change. On dit Ya akhawat, la tadhabna. Voyez, parce que lorsqu'il y a un niswa qui vient sur la fin d'un verbe, ce verbe-là, il change jamais, ni dans le raf. Regarde, par exemple, quand tu dis un nisa yadhabna, il y a une dhamma, il y a un nun comme dans les autres, il n'y a rien. Tu dis ya nisa la tadhabna. Dans le jazz, il est pareil. Ce qu'on appelle quoi? On dit qu'il est mebni. C'est comme les asma ishara, ou c'est comme asma al-mawsoul. La fin, elle change jamais. Quel que soit l'irlob qu'il a, il reste pareil. Ça viendra plus tard aussi. Et quand tu as un nul niswa qui rentre sur un verbe, et ben le verbe, il change pas. C'est à toi de déduire son irlob par rapport aux indices qu'il y a devant. Si c'est un half jazm, un half nasb, ou s'il n'y a rien, c'est qu'il est mal fou à la base. Mais seulement, à la main, tu ne la vois pas. C'est à toi de déduire, après. Et au fur et à mesure, tu arriveras à déduire. Inch'Allah. Donc là, on a vu que ces verbes-là qui prennent un nun dans leur lof, mais dans le jazz, on enlève le nun. Comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, wa'budullah, là c'est un homme. Voyez, adorer Allah. Wa la tushriku bihi shay'a, et ne lui associe rien. Donc là, c'est dans cette bab-là. Majzoum, wa'alam jazmihi, haf, on enlève haf le nun. Donc il dit, khamisan, akmil jumel atiyata wa biwad fi al-mudali'in munasibin masbuqin bi la'il nahiya fi al-amakin al-khaliya. Donc il dit, complète les phrases suivantes en mettant un verbe mudalir qui correspond précédé par la nahia dans les places vides, les places vacantes. Tfaddal. Je mets l'oula. Ya Zainabou, la taftahi an-nafida. Ahsant. O Zainab, n'ouvre pas la fenêtre. Thaniyan. Ya ayyuhan nas la لا تعبدوا شيطان. نعم. Oh vous les gens, n'adorez pas Shaitan. نعم. ثالثا. يا أخواتي لا تفتحنا غرفتي لا تفتح. لا تكنسنا. لا تكدوش. لتكنسنا غرفتي بالمكنسة القادمة. القديمة. Il dit, oh mes sœurs, ne balayez pas ma chambre avec le vieux balai. Donc là, comme tu as pu comprendre, tu dis, la teknusna. Il ne change pas le verbe. Le ni soit, et il n'y a rien qui prouve qu'il est majzoum, si ce n'est le harf jazm qui est devant, et le fait que tu as déjà pris la règle auparavant toi-même. Rabi'an. Ya walad, la tadkhul fil fasl. Naam. Oh enfant, n'entre pas dans la classe. Ya banati. يا بنتي لا تشربي ماء باردا نعم وما في ne boit pas d'eau froide ça dit ça يا ابنائي لا تخرجوا من الفصل في أثناء الدرس. نعم. Oh mes fils, ne sortez pas de la classe en plein cours, durant le cours. في أثناء c'est pendant. Voyez, durant une chose. Et les مضاف et درس après les مضاف إليه. سابعاً. لا تخرج من الحالقة في هذه. من الحالقة. لا, c'est pas un coffre. من الحافلة من الحافلة في هذه المحطة يا أخ يا أختي أيوة دونك ركبص لا تخرجي من الحالقة في هذه من الحافلة في هذه المحطة يا أختي نعم دونك ne descends pas du bus à cette station ô ma sœur ثامنا يا بنتي لا تدخلي الحمام بهذا السكين لا الverbe ne correspond pas الverbe est pas bon c'est quoi la phrase تدخل اللحم اللحم مش قصدي الحمام اللحم كيف تقول يا بنتي لا تقطعي ايوه اللحم بهذا السكين او ما في ne coupe pas la viande avec ce couteau تاسعا يا إخوان لا تذهبوا إلى المطعم قبل الساعة الواحدة. Oh mes frères, n'allez pas au restaurant avant une heure. عاشرا. لا تكتب على السبورة يا أبا بكر. نعم. N'écris pas sur le tableau, oh Abu Bakr, oh Abu Bakr. طيب. سادسًا يدي تأمل ما يلي. Médite ce qui suit. Donc là, il va te redire ce que je t'avais dit au début du cours. À ne pas confondre entre la al-nafiya, celle qui fait un nafi dans un fi'l mudari', et la al-nahiya, celle qui, elle a dit au fil de al-nahi, celle qui fait quoi? Que le sens voulu, c'est une interdiction. Et c'est un harf al-jazm. C'est-à-dire que le fi'l va être majzoum. Mathalan, la al-nafiya, ce que la, t'en as plusieurs. Vous voyez, c'est pas tout la qui est nahiya. La, t'en as plusieurs. T'as harf jawab, mathalan, tu es de ma'an, la. هذا حرف جواب نيجاتيف تلا النافية تلا الناهية يتنا دوتر مثلا النافية يتدي لما لا تأكلوا يا أخي pourquoi ne mange-tu pas mon frère donc là regarde le la qui est devant c'est un nafia c'est juste une négation c'est quoi la preuve que c'est pas un jazm تأكلوا le fil il est marfou après tu vois il y a une dhamma Alors qu'avec le nahiya, tu veux dire quoi ? La ta'koul hada ya akhi. Ne mange pas ça au mon frère. Donc là, ta'koul, il est majoum, il soukoun. Ce qui prouve que là, le la, c'est la nahiya. Thumma, on revient à l'exemple, le la nafiya, tu dis, ala tadhabu lal mal'ab, ne vas-tu pas au terrain de jeu ? Donc là, regarde, tadhabu lal mal'fou. Donc ça prouve que le la qui est devant, c'est pas la nahiya. Contrairement à l'exemple d'après, la tadhab lal mal'ab, ne va pas au terrain de jeu. Là, tu regardes bien le tazhab à cet endroit-là, il a une soukoun, donc il est majzoum, donc le lègue devant, c'est nahia. Maintenant, il va te montrer quoi ? Des particularités du fi'l mahmouz. On a dit que le fi'l mahmouz, c'est celui qui a l'une de ses lettres, c'est un hamza. Et là, on veut le mahmouz, allazi, fa ou hamza. Celui dont le fa, c'est hamza, c'est-à-dire la première lettre, c'est un hamza. Comme akala ou akhaza. Il te dit, par exemple, avec le fir kataba, huwa yaktoub. Ma fiché, là. Anta, taktoub. Ma fiché, kazalik. Ana, aktoub. Vous voyez, là, il y a un particulier. J'écris, il écrit, tu écris, il écrit. Maintenant, avec le mahmouz, et celui dont le hamza, c'est la première lettre, lorsque on le conjugue avec le domir ana, il s'écrit de façon particulière. Par exemple, tu dis huwa ya'kul. Vous voyez, là le hamza, il a quoi une sukun? Ya'kul, ala wazn ya'kul. Anta ta'kul. Toi, tu manges. Par contre, quand c'est avec ana, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir deux hamza de suite qui vont se suivre. Tu as le hamza qui est le harf al-mudali'a, qui prouve que c'est toi qui parles. Et après, tu as le hamza du verbe. Donc, on a deux hamza. Donc, comment on va dire? L'origine, c'est ana a'akul. Tu dirais ana a'akul, akada. Mais ça se dit pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joint les deux hamza ensemble. Et on met un mot au-dessus qui fait un mètre. Tu dis ana a'akul. Vous voyez? Ana a'akul, akada. Et tu l'écris avec la vague au-dessus du hamza. Comme lorsqu'on avait pris quoi? Le hamza de Stifham avec un lifo walem derrière. Par exemple, on voulait dire quoi? Est-ce que le mudarris est revenu? Eh, le mudarris raja, ça ne se dit pas comme ça. On va dire quoi? Eh, le mudarris raja. Ben là, c'est pareil. Comme les deux hamza, ils sont affilés comme ça. Ça sert dans l'imla. Tu verras, inchallah, quand tu prends les cours d'imla, tu auras plus de règles comme ça. Donc là, on va dire ana akul. Pareillement, akhadha ya'khudhu. Tu dis quoi? Huwa ya'khudh. Il prend. Anta ta'khudh. Tu prends. Ana akhudh. Je prends. Et si, quand on aura deux verbes de la même formule, de la même forme, tu feras pareil avec eux. Maintenant, on rentre dans quoi? Dans kada. Kada, qui est parmi les Afrael et le Mukaraba. Les verbes de rapprochement. Qui veut dire quoi? Que l'action qui va se produire est proche. Il y a plusieurs verbes dans cette catégorie. Là, il n'en donne qu'un seul, c'est Kaada. Il dit Ta'amel et Jumel Atiya. Awalen. Fataha Zakaria al-Bab wa Kaada Yakhruj. Donc, Zakaria a ouvert la porte. Et quand on dit Kaada Yakhruj, quand c'est au Mardi, c'est-à-dire il a failli. Faillir. Wa kada yakhruj, il a failli sortir. Vous voyez? Kada yakhruj, il a failli sortir. Ça s'est traduit par faillir. Quand c'est au mardi. Mathalan akha, ithnan, qala Othman il moudir, rafa Yusuf yadahu, wa kada yadribuni. Donc Othman a dit au directeur que Youssouf a levé sa main et il a failli me frapper. Et kada yadribuni. Thalithan. Inqalabat sayyaratu Hamid wa kada yamut. La voiture de Hamid s'est retournée et un accident et il a failli mourir. Yamut c'est de ma'ata yamutu qui veut dire mourir. Rabi'an. Darabat al-mudiratu Su'ada fa kadat tabki. Donc la directrice a failli frapper Su'ad et elle a failli pleurer. Non, Afwan, elle a frappé. Afwan, il n'y a pas Kada. C'est la directrice a frappé Su'ad et elle a failli pleurer. Su'ad a failli pleurer. Fakada tabki. Baka yabki, c'est pleurer. Aujourd'hui, je te défie de que le directeur frappe un élève à l'école. On voit comment ça se passe ici. Qui c'est qui va pleurer à la fin en vrai? Si c'est pas le mot directeur qui va pleurer lui, par une vengeance ou par un problème avec l'éducation nationale ou je sais quoi d'autre. Ça dépend si t'as pas un arabe. Si, il revient avec son frère. Ouais, c'était passé une fois à Marseille. Non, c'est là s'était fait tuer dans la rue comme ça. Elle avait frappé un élève ou je sais pas, et il a tenu un feu rouge et ils l'ont tiré le mal dans la tête. C'est passé aux infos il y a longtemps. Aujourd'hui, en tout cas, frapper un élève, en France, c'est pas possible. C'est plutôt le contraire. C'est le professeur qui s'est frappé, malheureusement. Ça, c'est parmi la décadence, parmi le manque d'éducation qu'il y a aujourd'hui. Alhamdoulilah. En tout cas, ici, les petits se font frapper. Hein. Si vous le modèle, ici, il y a des mecs, il a un bâton, et le petit, s'il ne tire pas droit, il se prend un coup de bâton. Khamisan. ضرب طفلي نظارتي بالعصا وكاد يكسرها. Donc il dit, mon enfant, mon petit enfant, a frappé mes lunettes avec un bâton, avec le bâton, et il a failli les casser. Vous voyez, nazara, c'est les lunettes. Wa'asa, c'est le bâton. Comme on l'a dit après. Enfin, donc quand tu vois kada qui vient au mandi, au passé, c'est-à-dire failli. Comme dans l'exemple suivant. Maintenant, quand ce mot doit lire, c'est être sur le point 2. Vous voyez, ça se traduit par être sur le point 2 comme tu l'as maintenant. As-sa'atu al-an al-wahida yakadu al-mudir yakhruj. Il est actuellement 1h et le directeur est sur le point de sortir. Parce que pourquoi ? Faillir, c'est forcément une action qui a déjà eu lieu, n'est-ce pas ? Donc on ne peut pas mettre au mot d'arrière. Faniyan yakadu al-imam yarka'. L'imam est sur le point de se prosterner, de s'incliner. Thalithan yakadu al-jarasu yarin. La sonnerie est sur le point de retentir. Rabian, limada rabta hada al-walada ya Ali wa yakad yabki. Donc il dit, pourquoi tu frappes cet enfant, oh Ali, il est sur le point de pleurer. Fahim tada kaadu kafi kulli ta'ala takadu samawati wal ardi yatafattarna minhu. Si je me rappelle bien du verset, takadu tamayyazu min al-ghayb. Non, mais il en il lit plusieurs fois dans le Coran, tu vas le trouver. Non, takadu samawat yatafattarna minhu wa tanshaku al-ard wa takharu al-jibal. Non. طيب. Maintenant, il a montré quoi la différence entre ma et la nafia, la négation, sur un verbe mudaria. Tu te rappelles, on avait dit quoi ? Que le verbe mardi, la négation, elle se fait qu'avec ma. Ma zahabtu, ma shalibtu, ma jalastu, ma zahabtu. On ne dit pas la zahabtu, on ne dit pas la jalastu, à l'origine. Et le mudaria, on dit que c'est avec la. La aktub, la ajdis. La afal kada kada. Je t'avais dit quoi ? Il y a juste que tu mettes ma. Enfin, maintenant tu vas savoir c'est quoi la différence entre ma aktoub et la aktoub. Il y a une différence dans le sens entre les deux. Il dit, masalan, ana la ashrabul kahwa. Donc en fait, quand tu mets la devant faire le mudalir, c'est une chose qui est habituelle. Moi je ne bois pas de café. C'est mon habitude en fait. Mais quand tu dis ana ma ashrabu al kahwa al an, c'est je ne bois pas de café maintenant. Par exemple, moi, je prends un café, j'ai des mâches là. C'est-à-dire, ce café-là, je ne veux pas. Mais à l'origine, j'en bois. Alors, quand il te dit, là, à Chaboukarwa, il n'en vient pas avec le café à l'avenir, il ne va pas le boire. Il te dit, moi, je ne bois pas de café. Je ne suis pas quelqu'un qui boit du café. Et s'il te dit, main, c'est là, maintenant, là, je ne vais pas en boire. Peut-être parce qu'il veut dormir après, ou je ne sais pas, tu vois, il a des raisons, il ne veut pas. Bon, maintenant, tu ne vas pas trouver quelqu'un dans la langue arabe qui, lorsqu'il va dire là ou main, il va être précis comme ça. Tu vois, aujourd'hui, on entend main ou là, c'est pareil. Tu vois. Demain, quelqu'un dit, je donne du café, tiens, tu bois du café ? Il dit, arrache en boucahwa. Ça y est ? Et le lendemain, tu bois du café. Toi, t'es un littéraire, tu vois. Et le lendemain, tu bois du café devant lui. Il fait, tu ne donnes pas aujourd'hui. Hier, tu m'as dit là, ashrab. Oui, c'était hier. Non, t'as dit là. Là, c'est-à-dire, c'est habituel. Moi, je prends, après, il dit, ah, mais t'exagères et tout. Je fais, c'est ça la langue arabe, mon frère. T'as dit là, ashrab. Pour moi, si tu bois jamais de café. Donc, je t'en donne pas, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est, tu ne pourras pas faire comme ça. Ça va s'être employé à tout va. Thaniyan, nahnu la nan'abu karat al-qadam. Donc eux ils disent nous ne jouons pas au football, c'est-à-dire de façon habituelle. Nous ne jouons pas au football. Et les autres ils vont dire nahnu man nan'ab karat al-qadam al-an. Nous ne jouons pas au football maintenant. Mais peut-être après. طيب ممكن بعد. Thalithan huwa la yaqra'u as-suhuf. Il ne lit pas les journaux. Lui, il ne lit pas les journaux. Donc ça, de façon générale, habituelle, tu vois. C'est quelqu'un qui ne lit pas les journaux. Un an, après il coule, huwa ma yaqra'u as-sahifa al-an. Il ne lit pas le journal maintenant. Mais il va peut-être le faire après, parce que là, il est mashghoul, il est occupé. Donc il dit quoi ? Ma tukhallisu al-mudali' lil-hal. C'est-à-dire que ma, tayyib, elle. Alors on spécifie le mot d'Oalia sur le moment, à l'instant même, où tu parles. Et pas de façon continue. Alors que l'autre, apprend maintenant, le hal où tu parles maintenant, et ce qui viendra après, et ce qui est venu avant. Elle contient tout. C'est, habituellement, je ne fais pas ça. Je ne le faisais pas avant, ou peut-être je ne le fais pas avant, en tout cas, je ne le fais pas maintenant, et je ne le ferai pas après. Inch'Allah. Voyez la différence entre ma et la, quand il y a un fil moudarir. Après, il revient quoi avec Sirat al-Ta'ajjub. Il remet Sirat al-Ta'ajjub, comme on l'a écrit auparavant, à la wazn ma af'ala. À la wazn ma af'ala. Et je ne sais pas pourquoi il a remis là. C'était quoi la faïda de le remettre là? J'ai pas cerné. C'est avec le point d'exclamation, en fait, pour distinguer entre la négation et non, peut-être. Je pense pas parce que. Ouais, t'as le bien. Franchement, je ne sais pas pourquoi il a remis, il y a sûrement une raison, mais je ne l'ai pas cerné, moi. Rien, Inch'Allah. En tout cas, il dit Ta'amel Mayali. Mais dites ce qui suit. Hamidun Tawilun. Hamid est grand. Masha'Allah. Donc toi, quand tu t'exclames de cela, c'est une chose qui te surprend. Tu vas dire quoi? Ma atwala hamidan. Voyez? Ma atwala hamidan. Et hamid, il va être quoi là? Ma foulbi. Voyez? Il est ma foulbi. Ma, c'est ma ta'ajoub. C'est pas une affia. Ma ta'ajoubi, elle s'appelle. Voyez? Atwala, c'est fiel. Le fa'il, il est marzouf, il l'a enlevé. Il n'y a pas de fa'il dans ta'ajoub. Et hamidan, il ma foulbi. Adiye sayaratu jamila, cette voiture est belle. Tu dis, ma ajmala di sayara. Tu dis, qu'est-ce que cette voiture est belle? Huwa tawilun, il est grand. Tu dis, ma atwalahu. Vous voyez, comme dans la première phrase on avait un damir, ben là on a un damir. Vous voyez, tu dis, qu'est-ce qu'il est grand? Ya sahiratun, elle est petite. Tu dis, ma asraraha, qu'est-ce qu'elle est petite? Et ainsi de suite. Donc 11, il dit « Uqtoub al-jumal a'atiya mustamilan fi al-ta'ajjub » Donc je suis là, je vais faire la maison. Tu as fait les mêmes phrases là, tu la changes et tu mets en sirat ta'ajjub. Taïeb. Après, il donne les kalimats jadida. « Maq'ad jam maq'a'id » C'est une place, un lieu où on s'assoit. Ta kadaba yakzibou. Mentir. Ala waz fa'ala yaf'ilou. Et Beb Faïda aussi, un truc par rapport au kadib. En langue arabe, kadib, il n'est pas forcément comme en français. En français, un mensonge, c'est dire une chose qui n'est pas véridique. Volontairement. Et volontairement. En arabe, ça peut être un mensonge involontaire ou ça peut être une erreur. Par exemple, il est déjà venu chez Salef, Kazaba Foulen. Vous voyez? Ou man kole, la salle s'est venue dans des affaires des Sahaba, man kole hadal al Nabi Salef, quand Kazab. Vous voyez? Entre Sahaba. Les Sahaba, c'est malouf, c'est tous des Oudoul, tous Sika. Donc des gens qui jouent avec les Sahaba, comme les Rawafid ou autres, ils vont dire, regarde, même entre eux, c'est Kazab. Ils sont les menteurs. Donc ils ne sont pas Sika, donc le hadith, moi je ne prends pas. Et en fait, chez les salafs, souvent des fois, chez Al-Hijaz, souvent, Al-Hijaz, les gens du Hijaz, Kaziba se dit Arta'a. Il s'est trompé. Donc souvent, quand il disait Man kole hada ala Nabi Salem, d'accord, Kazab, et il s'est ça trompé. Enfin, attention, parce que des fois, tu vas le voir, et des gens vont jouer avec ça. Avec les Jouhel, ils vont dire, regarde, Aïcha, elle a dit qu'il a menti. Mon Foulen, mon Sahadi, je ne prends pas. Tu vas voir, ainsi de suite. Ou des fois quelqu'un dit une parole, et on va dire « Ah, Kazib !» Il ne veut pas forcément dire que tu es un menteur et tu es un mythomane, comme on dit. Il peut dire que ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Sans vouloir autant dire que toi, tu es un menteur. Peut-être que tu pas fait exprès. Tu vois, peut-être que tu pas fait exprès. Le mensonge, il peut se faire de façon aussi involontaire. Alors que chez nous, un mensonge, c'est que volontaire. Quand on dit ça, c'est un mensonge, c'est dire une parole qui contredit la vérité de façon, vous voyez, de façon préméditée et volontaire. « Ya Abati !» Ça veut dire quoi? Ya Abi. Vous voyez, c'est une formule qu'on emploie en arabe de façon affectueuse. Tu veux dire Ya Abati, qui veut dire en fait Ya Abi. Et tu veux dire Ya Abati juste dans le nida, quand tu appelles. Par exemple, tu ne vas pas dire Elium Ya Abati. Non. Tu veux dire Elium Ya Abi. Par contre, quand tu appelles, tu peux dire Ya Abati. Tu peux dire Ya Abata. Hein, aussi. Ça, tu vas l'avoir quoi dans Arkam el Nida, dans Mutamima. Tu peux dire aussi Umbati. pour ta mère, tu peux le dire aussi. In qalaba yanqalibu. Ça veut dire se retourner. Et regarde, je crois que c'est le premier verbe à quatre lettres qu'on prend. C'est un rubai. À la wazn, in fa'ala yanfa'ilu. On a rajouté quoi là? In. Non, en fait, c'est un khumasi à voile, c'est pas rubai. Cinq lettres. On a ajouté hamza et nun. À la base, c'est quoi le verbe qalaba? Qalaba, qui veut dire retourner. Et quand tu mets à la wazn fa'ala, tu rajoutes le hamza et le nun, en fait, c'est des choses, elle agit sur elle-même. Alors, maintenant, à kullak, qalabtu, mathalan, al-daftar. J'ai retourné le cahier. C'est moi qui l'ai fait. Monsieur dit, in qalab al-daftar, c'est le cahier s'est retourné. Moi, je dis par exemple, fatahtu al-bab, j'ai ouvert la porte. Monsieur dit, in fatah al-bab, la porte s'est ouverte. Tu vois? J'ai dit, tous les awzen, les poids qui vont venir pour les verbes, ils ont un sens par rapport au verbe. Si tu connais l'origine, après tu sais quelle lettre on a rajouté, c'est quoi comme nom de lettre, tu sauras ce que le verbe il veut dire. Inch'Allah. Donc ça, c'est un début dans fil awzen et afhail. Et ça, c'est un khumasi, un verbe à cinq lettres. Voyez, on a pris dans fi athna'i. Fi athna'i, c'est-à-dire pendant, durant. Et ensuite, tu viens avec un motofilei. Fi athna'i ders, ou fi athna'i khutba, ou fi athna'i kaza wa kaza, qui veut dire durant la chose. Non, non, tu parles. Wabaka yabki, voyez, baka yabki, ça c'est pleurer. Et ça c'est parmi quoi? Fi'l al-murtal al-akhir. C'est le verbe dont le lam de fa'ala, c'est un harf illa. C'est comme un ya ou un wa ou un lif. Et aussi ils ont des règles particulières. C'est un thulasi à trois lettres seulement lui, son lam, c'est-à-dire la dernière lettre du verbe, c'est ou un wa ou ou un ya, ou un alif. Mais c'est, par exemple, raja yarjou, espérer. Tu vois? Il finit par quoi? Ah waouh, yarjou, nasiya yansa, oublier, yansa, alif. Et là, t'as bak yarki, c'est avec un ya, ou macha yamchi, c'est avec un ya. Et ceux-là aussi, ils vont y aller, inshallah, leur règle. Donc aujourd'hui, on a pris quoi? On a pris la nahiya, voyez, pour interdire une chose, qui est harf al-jazm. Donc on a pris également la quatrième catégorie. Parmi les celles de l'Irlob, Aksam l'Irlob, qui est le jazm, dans le fiem. On a vu son quoi, c'est quoi son signe? Sukun. Ou alors, quand c'est les verbes qui finissent par un nun, comme tadhabuna, tafaloun ou tafalin, son signe c'est quoi? Qu'on enlève le nun. Naam. Un fou, madame Ders? Naam. Taïeb. Fana kulli hamdulillah rabbil alamin.